Bonjour Judith, qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut Adrien, quelle surprise! Je prends le bus pour aller à la piscine, et toi? Moi, je vais au cinéma avec un copain. Tu vas voir quoi? Le dernier film de Christophe Honoré, La Belle Personne. Tu viens avec nous? Non, c'est pas possible, car après la piscine, je vais au théâtre. C'est dommage. Demain, si tu veux, nous allons au restaurant entre amis. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Pourquoi pas? Mais demain, je suis très occupée. Je vais faire de la randonnée avec Dimitri en forêt de Fontainebleau. Je peux être libre à 8h. À 8h, parfait. On se retrouve au restaurant directement. C'est chez Georges, au centre Pompidou, sur la terrasse. D'accord. Qu'est-ce que c'est ce livre dans ta main? Bonjour Tristesse, de Françoise Sagan. Tu connais? Oui, c'est un très bon livre. Alors à demain, bonne soirée au cinéma.